soleil levé tous les jours. Moi levé matin, j'en moins joint, j'en ai comme pleuré. Moi forme des jours jolis bouquins, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Levé matin, j'en moins juin, j'en ai comme pleuré. Moins fort des jours, jolis bouquets, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. La rose et le brigand, le soleil chevalier de nuit. C'est vous Marie-Jostine, j'en ai comme pleuré, Jodilla. Pense que a bouli, fait la pluie tomber temps en temps, et c'est ce qui te dit. Le soleil levé longue à moi, m'avait prié bon Dieu, pour le protéger à mon dos. C'est vous pas qui j'ostie, j'en ai comme bloqué Jodilla. Pense que a bouli, fait la pluie tomber temps en temps, et c'est ce qui te dit. Le soleil again. Double, double. lage pitit madame nan. Lage l. Foudou lage l'oui. Lage l'i. Bonne inconscient. Mais mon petit coca, bonne malondère. Foudou lage l'i. Eh ben fais moi balage. Fais moi balage. Fais moi balage. Je vous fais moi balage. Eh mais que belon, que belon, ma voisin. Lagin, lagin foot petit mundo, lagin, lagini. Pas même mon petit coca. William, essayez résultat lagin, lagin, lagin, lagin, lagin.